dû me confier de son hippie rapide, maqué, kidnappé comme un coche quand on son slip craqué. On se fait filoche par les flics maqués. Apprends à zigzaguer une fois que le poste a remis le paquet. À quoi ça sert de finir le ventre à l'air, ce qu'il y a du chimique et se manger du plan de galère. Bébé, t'approche pas trop, je te plante ma verge. Toujours un œil dans le dos, tu sais pas où je plante ma brèche. La météo vous annonce une grande averse. Y'a ma voix dans vos stéréos, va falloir apprendre à faire. Dans la perche, dernière sommation avant de rendre l'index coupable de mes détonations. Boucave, je te baise, bien sûr que je file au but. But et kilos de stup suffisent plus pour j'inocure les parasites. Ton cul, je compte prendre l'euro. J'écris plus, je plante la plume de Nicky Santoro. Va savoir ce qu'on mijote à l'heure où les commerces isolent. J'ai mon spiff d'herbe et ma bière comme Homer Simpson. Là où par jour tu claques minimum 40$. La vie c'est une balade qui se transforme vite en 40$. Chez nous y'a pas de star à domicile. On vise le high fist, on passe tous du spa à l'homicide. On serre les 16 comme tu serres la 16. On tourne vers la sieste, on fait plus de victimes qu'on perd la chaise. Tu verras pas une bande de putes à arroser le Mac. PPD à se faire remplacer par Rose le Mac. Poser le mic, on est venu pour causer le mic. N'essayez pas de fausser le bail, y'a du shit dans les chaussettes Nike. J'suis la furie du tsar machiavélique, le cauchemar du jury de la Star Academy. J'bois rote comme Ravanelli. Aspa, j'marche droit, j'suis pas de ceux qui méritent un parallélisme. Pousse au tapis, j'ai pas une carte de puce. Soit on marque le but, soit on décarte le huc. C'est quoi star de pute? Mon école c'est la rue, c'est la rue la ruse. Celle qui t'a eu entouré de barres de stup. Les rayons du soleil à travers une carte postale. Les rêves on les tège un peu comme on tège une capote sale. Joue les shows et tu t'effondres comme un château de sable. Direction de sarcophage et ça, les quatre au sable. Speed comme Flash Gordon, je veux du cash des majordomes. Jamais faire ce que ce fils de lâche ordonne. Appelle-moi Castor Troy, viens pas jouer les Master Boy. Mon son est plus recherché qu'un passeport Choi. C'est l'acte final d'une guerre sans fin. Pendant que tu perds dans le mannequinat, il serait temps qu'on perd sans fin. On fonce dans le tas, qu'est-ce tu veux faire sans frein? À part faire du boucan, à quoi tu sers, Pantin, hein? Tous dans la mer, c'est comme ça qu'on rallie nos torts. Pour ouvrir vos portes, on a le trousseau de clé à Minotaure. On veut des kilos d'or, pendant que le Minotaure. J'compte laisser mes empreintes dans le rap comme un dinosaure. Y'a rien qui coule à part le sang des braves. Bienvenue en direct du camp Delta. J'baisse leur plan d'épargne, la morsure en guise de vendetta. L'État mériterait de se prendre des tartes. On veut que le cadenas casse. On sait que la baraka se trouve pas dans une perdasse à Caracas. On est les fils d'Arafat, pas de carapace. On pisse sur leur mascarade à chaque paragraphe. Néochrome, Farajnikov, premier paragraphe. Premier paragraphe.